اتصال مع إمام الشعب الهادي، ويكون لك جهود في نشر ما يطلب منك نشره من كتب العلماء الذي يذيعها لك الشيخ، ويبين لك في الدروس المسائل التي تحتاجها، ينبغي التعاون. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنما أراد الشيطان أن يضعف عندنا جانب التعبد والأخلاق، لما يا عباد الله؟ ويقويها عند أهل البدع، لما؟ لكي تضمحل دعوتنا وتنتشر دعوته. قال الأوزاعي: إن الشيطان ليخلي بين صاحب البدعة والعبادة حتى يتبع، يعني يجعل المبتدع الشيطان أكثر منك عبادة. لما؟ ليقول الناس: انظر هذا عابد، هو على منهج الحق، وهذا قليل العبادة فليس على منهج الحق. ومن العبادات العظيمة الأخلاق الحسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة من؟ الصائم القائم. وامتدح الله رسوله بقوله في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فيا عبد الله، أنت بين أمرين: إما أن تكون قد جبلك الله فاحمد الله على الخلق الحسن، وإما أن تجد في نفسك فظاظة وغلظة وقسوة، فتدرب وتمرس على الخلق الحسن، كما جاء في الحديث: إنما العلم، كما جاء عن بعض أهل العلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. وقال النبي لجيش بن قيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. قال أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله. هذا يدل أن هناك من الأخلاق ما يجبل عليه، ومنه ما هو إيش؟ مكتسب. فاكتسب الأخلاق الحسنة مع من يحيط بك، حتى الكافر، اليهودي، النصراني، حتى هو، فتلطف معه بالكلام لكي يقبل الإسلام. فإن الله قال في أعتى أهل الأرض لموسى: فقول له قولا لينا، وهو يقول: ربكم الأعلى، لعله يتذكر أو يخشى. لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، والله يحب المقسطين. ومن كان من أهل البدع، ممن يحيط بك في المساجد، ممن يناوئ دعوتك ويضادها، فلا تنشغل به، واترك العلم للعلماء يردون عليهم، وإياك أن تناحرهم بالمجادلة. قال الحسن البصري: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم. وإن كان من إخوانك الذين على المنهج، فافعل كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإنما يريد الشيطان أن يفرق الكلمة بالتحريش، يريد الشيطان يفرق الكلمة بإحداث البغضة في قلوبنا لبعضنا البعض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. معناه إذا تبغضتم فعلتم كبيرة ولا صغيرة؟ أجيبوا يا عباد الله أهل العربية، ثم بعد ذلك يترجم من كان يفهم العربية مني الآن: الذي يتباغض مع إخوانه ويتفرق عنهم ويكون في قلبه محبة لوقوع الشر فيهم، نعوذ بالله، ويتربص وهو أخوه على نفس المنهج، يكون مرتكب صغيرة ولا كبيرة؟ والله كبيرة، لأن النبي علق ذلك بدخول الجنة. إذا ما تحببتم فيما بينكم لن يحصل لكم الإيمان الواجب، وإذا لم يحصل لكم الإيمان الواجب لن تدخلوا الجنة. فهذا يدل أن التباغض كبيرة، كيف لا يكون كبيرة؟ وكثير من النصوص جاءت بوجوب إحداث الألفة فيما بيننا. إذا لقيت أخوك تبسمك في وجه أخيك صدقة، أبشر السلام بينكم. إذا صنعت مرق فأكثر لجيرانك وتعاهدهم. نعم، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. نصوص كثيرة تدل على أن الرب من فوق 7 سماوات يحب من هذه أهل الدعوة المباركة أن يتآزرون يتحابون يسلم بعضهم على بعض ويسلون السخيمة من قلوبهم كما أنزل ذلك في القرآن بنفسه فقال ربنا اجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يعني قولوا يا عبادي هذه الدعوة اصنعوها بأعمالكم وابذلوا الأسباب في الألفة من التبسم وادعوا الله أيضا أن يسل السخيمة من قلوبكم حتى تصبحوا بنعمة الله إخوانا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد أخواتي في الله سلام بارك الله فيكم بمشيئة الله جل وعلا وتوفيق منه إن شاء الله سيفتح هناك مركز للدعوة السلفية في مدينة روان مركز للدعوة السلفية في مدينة روان بحمد الله جل وعلا وأخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى وهو معنا الآن وهو في صحبة الشيخ فلا بد أن نمد له يد العون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالدعوة السلفية تحتاج منا إلى بذل وإلى جهود وإلى تكاتف وإلى تعاون معا أخوتي في الله فلهذا الأخ محمد حاج اجمع الأخ عبد الكريم اجمع بارك الله فيك أحسن الله عليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Le sujet traité par Cheikh Maher Al-Qahtani, حفظك الله le préserve, était le suivant. الدعوة السلفية entre la réalité et ce qu'on espère, et l'espérance. الدعوة السلفية entre la réalité et l'espérance. Et Al-Sheikh Hafidah Allah Ta'ala sujet, le titre de ce soir, c'est Al-Da'wa Al-Salafiyya entre la réalité et l'espérance. Il a commencé Cheikh Hafidhahullah Ta'ala par s'adresser aux frères et aux sœurs qui nous écoutent. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala vous a éprouvé par le fait de vivre dans ce pays de mécréance. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a maintenu sur le livre, sur le Coran et la Sunna. Et malgré les troubles qui vous entourent, vous continuez à venir aux assises des gens de science et aux étudiants de science et aux assises de rappel de science et avant tout ça à la prière. La prière qui est l'un des piliers les plus importants dans l'islam. La prière, la première chose sur laquelle sera interrogée toute personne yawm al-qiyam. Si elle est bonne, correcte, tout le reste, inshallah, suivra. Et si elle est mauvaise, le reste le sera aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala demandera aussi de regarder à chacun de nous au Qiyam s'il a des adorations, des prières plutôt surrogatoires, le nawafil. Car c'est par le nawafil que Allah subhanahu wa ta'ala va nous compléter ou combler le manque dans nos prières obligatoires. Et de même pour les autres adorations. Il dit donc, Cheikh Hafidh Allah Ta'ala, notre sujet sera sur cette da'wah bénie. Cette da'wah qui ne cesse de se propager dans le monde, que ce soit dans le monde arabe ou musulman, ou en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Il dit, Cheikh Hafidh Allah Ta'ala, Isa alayhi salam. Quand il va descendre à la fin des temps, il n'acceptera aucune loi dans la religion autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. C'est-à-dire qu'il va juger par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il ne va pas juger par une école juridique en particulier. Par exemple, par l'école Hanafi, ou Shafi'i, ou Hanbali, hein, ou Malik. Et encore moins avec les voies innovées et inventées, comme les chiites, al-Rawafid, l'Asha'ira, al-Jahmiya, al-Mu'tazila, ou à notre époque, Ikhwan, la secte des frères musulmans, le groupe de Tablir, et autres. Et Isa alayhi salam, à la fin des temps, va juger par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va suivre le hadith. Et il n'acceptera aucun jugement autre que celui de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme a été mentionné dans plusieurs hadiths, que Isa alayhi salam, quand il va revenir à la fin des temps, il va casser la croix, tuer le porc et enlever al-jizya. Al-jizya est dans un état musulman. Les non-musulmans, les juifs et les chrétiens, payent une impôt. On l'appelle al-jizya. Isa alayhi salam, quand il viendra à la fin des temps, il va enlever cette jizya. C'est-à-dire que les gens n'auront plus le choix, n'auront le choix qu'entre deux choses. Soit ils deviennent musulmans, ou ils seront combattus. Donc il n'y aura plus de jizya. Et donc il dit Cheikh Hafidh Allah Ta'ala. En savant tout ça, que Isa alayhi salam va venir, et qu'il va instaurer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il va juger par le Coran, et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à tout ça? On doit chacun de nous être la première pierre de cet édifice, de cette da'wah. Et il faut savoir une chose, tout ça pour soutenir la da'wah de l'haq et soutenir la da'wah, le prêche de Isa alayhi salam. Et il faut savoir que la religion d'Allah sera victorieuse. Avec nous ou sans nous. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin. Mais c'est à nous de faire en sorte d'être parmi ces gens-là. Pour qu'on soit les premiers à soutenir Isa alayhi salam quand il viendra, si on est vivant à son époque. Et il faut savoir une chose, ceux qui soutiendront Isa alayhi salam, qui sont à ses côtés, qui combattront avec lui, c'est les gens du hadith, les gens de la sunna, les salafis. Ce sera ni les gens de l'innovation, encore moins les mécréants. Ceux qui vont le soutenir, l'aider, être à ses côtés, ce sont al-ghuraba, les étrangers, tels qu'ils ont qualifié le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que l'islam est venu étranger et reviendra à nouveau étranger. Bienheureux alors seront les étrangers. Il y a un téléphone qui est en train de sonner. Et Muslim, rahimahullah, rapporte dans son recueil authentique, d'après Muawiya, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'une partie de cette communauté restera sur la vérité. La tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haq zahirin. Yani restera apparaît clair sur la vérité. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Ils ne seront pas tout affectés ou touchés par ceux qui les contredisent ou ceux qui les trahissent. Hatta yati amr Allah. Jusqu'à ce qu'il vienne l'ordre d'Allah. Et les gens de science ont expliqué l'ordre d'Allah ici, c'est qu'à la fin des temps, il y aura un vent doux qui viendra et qui prendra l'âme de chaque croyant. Car il faut savoir que quand Yom al-Qiyam arrivera, quand la fin des temps arrivera, il n'y aura que les pires des gens sur terre. Il n'y aura plus de croyants, il n'y aura plus de musulmans. Et donc, ceux qui suivront Isa alayhi salam, ce seront les gens du Hadith. Mais pourquoi ils le suivront? Car ils ont connu sa description. Ils savent qui il est, et ce qu'il va faire, et ce qu'il dit. Et comment ils l'ont su? Car ils ont étudié le Hadith. Ils ont étudié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont étudié leur religion. Contrairement aux gens d'innovation, qu'ils ont contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, ils ont contredit le prophète dans sa croyance ou dans ses pratiques. Donc nous devons connaître les qualités ou les spécificités ou la description de ces gens-là, les gens de l'haq, pour être avec eux, pour être parmi eux. Et il ne suffit pas de connaître la vérité. Qu'est-ce qu'il faut? Je vous pose la question. C'est pratiquer après. C'est pas juste, on a su que les gens de la vérité font ça, ça, ça, croient à ça, et ainsi de suite, et ça s'arrête là. Non, c'est pour mettre après en pratique. Car il n'y a aucune utilité de connaître leur voie et ne pas la suivre. Et Cheikh Hafidallahu Ta'ala a rappelé, donc je disais qu'il ne suffit pas de connaître la description des gens de la vérité, de connaître leur voie sans la suivre. Et Cheikh Hafidallahu Ta'ala a rappelé une chose. Celui de cette communauté, la communauté de l'islam, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît la vérité, qui ne la pratique pas, ressemble à qui? Al-Yahoud, aux Juifs. Et ceux de cette communauté qui pratiquent sans science ressemblent à qui? Al-Nasara, les chrétiens. Comme disait Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, celui qui s'égare de cette communauté parmi nos savants prend exemple sur les Juifs. Et celui qui s'égare de notre communauté parmi les adorateurs prend exemple sur les chrétiens. Car car les Yahoud, ils connaissent la vérité, ça? Ils connaissent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a annoncé dans leur livre. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font les Yahoud? Et ils ne le reconnaissent pas, ils le rejettent. Ils le rejettent avec ignorance? Non, ils savent. Donc, tout musulman qui sait le haqq, on apprend que la voix des gens de la sunna, c'est telle chose, telle chose, telle chose, et qui ne la pratique pas, il prend exemple sur Al-Yahoud. Et par contre, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans science, prend exemple sur Al-Nasara, comme la parole de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah. Donc, il dit Cheikh Hafidhahullah ta'ala, apprends la science. Ainsi tu connaîtras la voix des gens du hadith, les salafis. Les salafis qui sont actuellement combattus de toutes parts, les gens de la vérité, les gens de la sunna, sont actuellement combattus de toutes parts. que ce soit du côté des mécréants ou du côté des innovateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Salir leur image. Et ça, on le voit. Les kofars, ils nous accusent de tout. Les extrémistes, fondamentalistes, et j'en passe. Et Al-Bidah, les wahhabites, hein, ou les matrali, les jami, et ainsi de suite. Et ça, Ikhwani, c'était la manière des gens de l'innovation à l'époque. Ils accusaient les gens de sunna, ils accusaient les gens de la sunna par des termes, yani, juste pour faire fuir les gens. Et comme l'a dit Sophia, qu'est-ce qu'ils disent des gens de la sunna? Vous êtes des wahhabis. Ils disent nous que nous sommes des wahhabis. Il faut savoir une chose, qu'il n'y a aucun salafi sur terre qui se donne ce nom, le nom de wahhabi. Nous on aime Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et on respecte sa da'wah rahimahullah. Il fait partie des réformateurs de cette da'wah. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se donne comme nom les wahhabis. Et avant les savants, qui a été critiqué, qui a été accusé à tort pour que les gens le fuient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes avant lui. Qu'est-ce qu'ils disaient les kuffars du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était un poète. C'était un sorcier. Un fou. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, leur méthode est toujours la même. Ils emploient des mots juste pour que les gens les fuient. Et donc, il dit Cheikh Hafidah Allah, si on est véridique, si on est sincère, Inch'Allah, leurs paroles ne nous toucheront pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la victoire, bi'inillah. Donc il dit Cheikh Hafidah Allah. Donc on doit connaître la réalité de cette da'wah. Celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la da'wah al-salafi. Et qu'on se pose, chacun de nous se pose la question. Est-ce que notre suivi est véridique? Le fait qu'on se dit salafi, ou qu'on dit, qu'on appelle à la salafia, est-ce que ce qu'on prétend est véridique, ou c'est juste une espérance? Est-ce que ce qu'on dit est une réalité? C'est véridique? Et c'est prouvé que on a des preuves après si c'est véridique ou pas, ou c'est juste on espère et ça s'arrête là. Et chacun de nous regarde, est-ce que notre réalité, notre comportement, notre pratique, notre croyance est celle de nos plus prédécesseurs ou pas? Et c'est là le juge, c'est ça le juge, c'est ça le mizan, c'est avec ça qu'on va savoir si on est véridique ou pas, si dans notre croyance, dans notre voix, dans notre pratique, dans notre comportement, dans nos relations, on fait la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, notre da'wah est véridique. Sinon, vous connaissez la réponse. Et les gens de l'haq, les gens de la vérité, les gens de la sunna, prennent toute la sunna, ils prennent toute la religion, ils prennent pas juste une partie, ils délaissent l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre ça. Quand il dit subhanahu wa ta'ala, afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez une partie du livre et vous délaissez au micro, vous rejetez le reste? Et c'est quoi la da'wah salafia? À quoi consiste la da'wah salafia? La da'wah salafia, c'est d'appeler à Allah, vers Allah. Conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans déformation, sans changement, sans nos propres avis, nos passions, ni rajouter ni diminuer. Je répète, la da'wah salafia, le prêche salafi, c'est d'appeler les gens au Coran et à la sunna authentique et de les comprendre tels qu'ils l'ont compris nos plus prédécesseurs, sans déformation, sans changement, sans diminution, sans rajout, et sans nos propres passions, nos propres ajouts. Car la da'wa salafia n'est pas une da'wa comme prétendent l'établir l'ilham. L'ilham, c'est quoi? La personne dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait, c'est comme si c'était une révélation, entre parenthèses. Hein, j'ai reçu une inspiration, barakallahu fik, par inspiration. Comme dit Cheikh Albani, rahimahullah, du groupe de Tablir, des soufis modernes, soufiya, asriya. Qu'est-ce qu'ils font les Tablir? Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ou ils ont déjà testé. Quelqu'un, peut-être des fois il sort du bar, il vient à peine d'arriver, il ne connaît rien à la religion, rien. Qu'est-ce qu'ils lui font faire le lendemain ou deux jours après, si ce n'est pas le jour même? Bismillah, mets-toi debout et tu vas aller faire le bayan. Allahu Akbar. Après, il lui dit, la moindre des choses, c'est de transmettre une chose qu'on a appris. Lui, il a eu le temps d'apprendre quoi, déjà? Et moi, je lui dis, oui, mais Inch'Allah, il sera inspiré. Hein? Il sera inspiré. Il y aura l'ilham d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils font à l'établir, justement, dans leur da'wah? Quand ils sortent, et quand ils vont voir les gens chez eux, dans les maisons, ou dans les mosquées, qu'est-ce qu'ils disent aux gens? De quoi ils parlent? Et sur quoi ils insistent? Sur deux choses. La seigneurie. Donc, ils vont te dire, ça on l'entend chez l'établir, les six fondements. Vous connaissez les six fondements? Sifat sept. Les six qualités. La première, c'est quoi? Al-kalima tayyiba. La ilaha illallah. La bonne parole, la ilaha illallah. C'est bien. Mais c'est quoi cette parole? Mes frères, mes sœurs, il n'y a point de créateur si ce n'est Allah. Nul ne pourvoit notre subsistance si ce n'est Allah. Cette croyance l'avait Abu Jahl et Abu Lahab et les autres. Parmi les politistes, autant du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent donc, et après ça, on appelle aux bonnes actions. Il dit, Cheikh Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Maher, qu'un d'établir à Jeddah, la ville de Jeddah, où il est Cheikh, un d'établir a dit à Cheikh, nous on appelle les gens à Rububiyyah, donc à la seigneurie, et Fada'il al-A'mal. C'est-à-dire les bonnes actions, les bonnes œuvres. C'est quoi Fada'il al-A'mal? Quand tu fais telle bonne action, tu auras telle bonne récompense. Oui. Pourquoi, Yahwan? Vous savez pourquoi? Ils disent, le fait qu'on appelle la tawhid al-uluhiyya, de dire aux gens, ça c'est du shirk, le fait de tourner autour du temple est du shirk, le fait d'invoquer autre qu'Allah est du shirk, ça va faire fuir les gens. Et nous, on ne veut pas faire fuir les gens. On veut que les gens viennent vers nous, viennent vers l'islam. Et ces gens-là, ils ne se rendent pas compte. C'est comme s'ils disaient, ou c'est comme s'ils reprochaient à Nuh, alayhi salam, d'avoir mal fait sa da'wah. Nuh, alayhi salam, il est resté avec son peuple combien de temps? 950 ans. Je répète, 950. 9 siècles et demi. C'est pas 20 ans, c'est pas 3 jours, c'est pas un mois, c'est pas un siècle, c'est 9 siècles et demi. Et vous savez à quoi il les a appelés? À une chose. La ilaha illallah. C'est-à-dire, nul n'est digne d'être adoré véritablement si ce n'est Allah. La ma'bouda bihaqqi illallah. Et ils ne l'ont pas écouté. Ou très peu ceux qui l'ont écouté. Parce que nous, a eu tort, c'est comme s'il disait ça. Comme s'il disait, si Nuh alayhi salam aurait appelé son peuple à des choses yani, qu'ils ne refusent pas leur, le fait de leur dire qu'Allah est notre créateur, c'est lui qui pourvoit notre subsistance, son peuple serait resté autour de lui, il ne l'aurait pas fui. Et aussi, ils ne s'en rendent pas compte, c'est comme s'ils critiquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il disait le prophète, ou avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes, quel était leur prêche? Ma lakum min ilahin ghayr. Tous les prophètes et messagers disaient à leur peuple, vous n'avez pas d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Vous connaissez tous le verset. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, on va s'en rapprocher. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire quoi? Adorez Allah et écartez-vous du temple. Donc tous les prophètes et messagers venaient pour ça. Et eux, c'est comme s'ils disaient, à cause de ça, leur peuple. Ils auraient dû leur parler de qu'est-ce qu'ils font, voilà, avant de pour manger, voilà, sunna, pour dormir, voilà, sunna, c'est bien, mais au moins ça, c'est des choses qui fâchent personne, hein? On parle des sujets qui ne fâchent personne, comme ça on est toujours bien, on reste ensemble, et les sujets qui fâchent, non, ça, laissez de côté. Allez, même s'il appelle autre qu'Allah, il... On ne commence pas par ça, on n'appelle pas à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il appelait son peuple, Quraysh, qu'est-ce qu'il leur disait? Dites la ilaha illallah, vous aurez le succès. Pourquoi son peuple ne l'a pas écouté? Car Abu Jahl, Abu Lahab et les autres ont compris le sens du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas juste dire la ilaha illallah. C'est, il savait qu'en disant la ilaha illallah, c'est qu'il devait rejeter toutes leurs divinités. Allat, Manat, Hubal, Al-Uzza, tout ça, il devait s'en débarrasser. Et donc ils ont dit non, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après établir, aurait mal fait sa da'wah, parce qu'il a parlé des choses qui fâchent, et que son peuple, à cause de ça, ils se sont disputés avec lui et qu'ils ne l'ont pas écouté. Et justement, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils nous disent aux gens, les salafis? Vous divisez les gens. Hein? Vous divisez les gens. Et entre parenthèses, ici, un d'eux disait à l'établir. Il disait, si tu vois quelqu'un tourner autour d'une tombe, tourne avec lui, avec l'intention de da'wah. Et un des Ikhwan disait, le sec des frères musulmans, il disait, une sunna qui nous, une bid'a qui nous réunit est mieux qu'une sunna qui nous divise. Mais c'est leur manhaj. Hein? L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble, qu'on soit, entre parenthèses, unis. Une union à la politicienne. Chacun sa croyance, chacun sa voix, mais on est ensemble, on travaille ensemble. Et qu'est-ce qu'ils disent? Arrêtez avec ça, toujours tawhid, tawhid, shirk, shirk. Bah, c'est autre chose. Allah nous dit. Donc, tous les prophètes et messagers disaient à leur peuple, Ubudullah ma lakum min ilahin ghayr. Adorez votre Seigneur, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Et donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la religion doit s'apprendre. Et non pas, elle vient par inspiration, elle est par inspiration ou par rêve. Hein, j'ai fait un rêve, le prophète m'a dit dans mon rêve, fais telle, telle chose et je le fais. Non, c'est qu'on apprend les choses correctement. Et qu'est-ce qu'il dit justement certains soufis? Aux gens de l'haq, aux gens de la vérité, écoutez cette parole philosophique. Vous prenez votre religion de mort, un mort après un autre. Mayyit al mayyit, c'est-à-dire quoi? Nous, qu'est-ce qu'on fait les gens de Ahl al-Sunnah, les gens du hadith? Dans le hadith, on a quoi, Ikhwani? On a la chaîne, c'est vrai ou pas? La chaîne de transmission. Cette chaîne qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on prend cette chaîne, du prophète jusqu'au dernier, ils sont tous morts. En tout cas, ceux qui rapportaient le hadith, avec la charge jusqu'au prophète. Ils disent, donc vous prenez la religion des morts. Et nous, écoutez bien, et nous, on prend notre religion de celui qui ne meurt jamais, du vivant qui ne meurt jamais. C'est-à-dire, soi-disant, eux, ils prennent leur religion directement d'Allah. Et vous, vous êtes en train de vous casser la tête à étudier le Bukhari, à étudier Muslim, à étudier Al-Salihin, à étudier les livres de Sunan Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud, et ainsi de suite. Pourquoi vous cassez la tête à faire tout ça? Nous, on prend notre religion directement d'Allah. Hein, par inspiration ou par rêve, et on a tout. Et, comme on disait tout à l'heure, l'établir, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on dit à quelqu'un, mais comment lui peut prêcher la religion? Il vient à peine de... Tout à l'heure, vous l'avez trouvé dans la rue. Peut-être que, dans certains cas, même, il est... Comment dire, dans un état secondaire. Et d'un coup, il se lève, il appelle à la religion. Et tu lui dis, mais sur quoi il va se baser? T'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire une ouverture. Il va savoir quoi dire. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, innama al-ilmu bit-ta'allum. La science s'acquiert en s'instruisant. Et c'est ainsi qu'ils faisaient nos pieux prédécesseurs, Sahaba radiallahu anhu. Ils apprenaient la religion de qui? De la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'écoutaient, ils voyaient ce qu'ils faisaient, et ainsi de suite. Et donc celui qui contredit les salafs dans leur manière d'apprendre la religion est un innovateur, car il ne suit pas la bonne manière. Mais celui qui dit je prends ma religion par inspiration ou par rêve, il innove dans la religion. Et donc, il dit Cheikh Hafidhallah Ta'ala, donc on doit connaître la réalité de cette da'wah, de cette prêche, de ce prêche. Et cet apprentissage est une obligation. Vous savez, dans l'apprentissage de la religion, il y a deux catégories. Une catégorie où tout musulman, hommes ou femmes, doivent connaître. Et on a une catégorie, si une partie leur a appris, les autres ne sont pas dans l'obligation de l'apprendre. Prenons un exemple, le tawhid. Le tawhid est une science que tout le monde doit apprendre ou c'est, si une partie l'a appris, les autres ne sont pas dans l'obligation de le faire? Tout le monde. Hein? La salat, c'est pareil. Tout le monde doit savoir faire la prière, car c'est une... Maintenant, zakat, est-ce que c'est une obligation pour tout musulman, homme et femme, d'apprendre? Il y a par détail. Je vous pose la question. Non. C'est-à-dire, si une partie l'a appris, les autres ne sont pas dans l'obligation de le faire. Ça devient obligatoire pour la personne quand il est concerné. Et quand il a, commence à avoir une certaine somme d'argent, ou une certaine quantité d'or, ou de moutons, ou de chèvres, ou de chamelles, et ainsi de suite, de chameaux et chamelles, dans ce cas-là, il est concerné. Taïb. Et connaître la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation pour tout le monde ou juste pour une partie? Pour tout le monde. Tous on est concernés. Et quelle est la première chose qui est la plus importante à apprendre dans la religion? C'est Tawhid. Car c'est quoi qui fait rentrer à l'islam? Qu'est-ce qui fait rentrer à l'islam, Ikhwaj? Shahada. Attester qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il dit Cheikh Hafidhallah Ta'ala. On a déjà vu dans les cours précédents le sens de la ilaha illallah. Qui peut me rappeler le sens de la ilaha illallah? Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. La ma'bouda bihaq illallah. Alhamdulillah, maintenant vous connaissez. Maintenant on passe à l'autre partie, la deuxième partie de l'attestation. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qui connaît la signification de cette shahada? طيب c'est juste, nul ne mérite d'être suivi si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dans le livre Les trois fondements et leur évidence, Thalath al-Usul, il a donné une définition plus détaillée qui la connaît. Que toi? Et que toi qui la connais? Ceux qui connaissent, lève la main, Inch'Allah. Ceux qui connaissent la définition qu'a donné Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les trois fondements de la signification de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ceux qui connaissent, lève la main. Trois. Pas beaucoup. Khwani, Thalath al-Usul. C'est un livre à apprendre par cœur. Inch'Allah, dès demain, je vous recommande d'aller tous à la Maktaba, si ce n'est pas déjà fait, de vous procurer les trois fondements et de chercher ce passage où il parle de ça. Inch'Allah. Vous le ferez? Ce sera oublié une fois que vous êtes sorti. Taïb, Inch'Allah, vous le ferez. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, justement? Il dit et le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. Et croire en ce qu'il nous a informé. Tout ce qu'il nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est véridique, on doit y croire. وطاعته فيما أمر. Lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné. Non, pas dans ce qu'il nous a interdit. طاعته فيما أمر. Lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné. واجتناب ما نهى عنه وزجر. Et de s'éloigner de ce qui nous a interdit et réprimé. Et la quatrième, وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَى. Et adorer Allah conformément à sa sunnah. Donc la signification de أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ c'est تَصْدِيقُهُ فِي الْأَخْبَرِ, croire à ce qui nous a informé. طَعَتُهُ فِي مَا أَمَرْ, obéir à ce qui nous a ordonné. وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ, et de s'éloigner de ce qui nous est interdit et réprimé. Et la quatrième, وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَى, et adorer Allah conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement cette dernière partie démontre qu'il est obligatoire justement de connaître la réalité de cette da'wah, de cette religion, car cette religion doit être basée sur quoi? Sur ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire selon sa sunna. Mais qu'est-ce qu'on rajoute à ça? Nous on dit, donc suivre le Coran et la sunna. Et qu'est-ce qu'on rajoute après? Naam? Barakallahu fik. Et la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Qui sont les pieux prédécesseurs? Il dit, Cheikh Hafidahullah, il y a deux avis. Un avis où il dit que les pieux prédécesseurs sont les compagnons, enfin le prophète et ses compagnons. Ce sont eux les pieux prédécesseurs. Et d'autres disent, ce sont le prophète, ses compagnons, puis ceux qu'ils ont suivis, puis ceux qu'ils ont suivis. Il dit, Cheikh Hafidahullah, Cheikh Maher, et l'avis le plus authentique, c'est le premier. Que salaf sont le prophète et ses compagnons. Abu Hanifa, rahimahullah, disait, ce que dit le prophète est au-dessus de nos têtes. Et ce que disent les compagnons est au-dessus de nos têtes. Et après eux, ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Dans le sens, c'est qu'il met en avant le prophète et ses compagnons. Mais il y a un texte qui va dans ce sens-là. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a informé que sa communauté va se diviser en 73 groupes et qu'un seul sera sauvé. Quel est ce groupe? Il a dit Hum al-Jama'a. Et dans une autre version, qu'est-ce qu'il dit? Alladhina hum ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. C'est ceux qui seront comme moi et mes compagnons. Et ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis, là. Qu'est-ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Moi et mes compagnons, ils s'arrêtaient là. Ce qui prouve que ce sont eux les salaf. Ceux qui sont concernés par ce qu'on, quand on dit as-salaf. Et les compagnons sont, leur parole est une hujja, est un argument qu'on met en avant. Et c'est un fondement chez les gens de la sunna, de comprendre le Coran et la sunna, tel qu'ils l'ont compris nos plus prédécesseurs. Et on adore Allah selon ce fondement-là. En connaissant la voix de nos plus prédécesseurs. Et de délaisser ce qu'ils ont délaissé. Et autre chose, est-ce qu'il est permis de s'appeler salafi? Voyez. Certains vous diront, vous, toute la journée, vous nous parlez de bid'a, innovation, et vous-même vous inventez dans la religion, et vous innovez dans la religion. Comment ça? Ils disent, vous appelez salafi, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, huwa sammakum muslim. C'est lui qui vous a appelé les soumis, les musulmans. Comment Allah vous appelle les musulmans et vous vous appelez les salafis? Ces mêmes personnes n'ont pas de honte de s'appeler maliki, ou shafi'i, ou hanafi, ou hanbali, ou autre. Voyez. Qui sont prioritaires? Si on doit se donner une appartenance à quelqu'un, qui est prioritaire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Pourquoi vous acceptez de vous appeler Maliki, Shafi'i, Hanafi, et vous nous refusez à nous de s'appeler Salafi? Alors que nous, on dit tout simplement, notre appartenance c'est As-Sahaba, radiyallahu anhum. Et juste une petite parenthèse ici, que j'ouvre, par rapport au mot Salafi. Le mot Salafi est composé en vérité de deux parties. Il y a Salaf et l'Iya, en arabe, je précise. Sinon, il va me dire où est-ce que tu vois l'Iya? Il y a S, L, A, F. Hein? Je parle en arabe. Salafi. Sin. Hein? Lam. Fa. Et à la fin, il y a Iya. La première partie, c'est Salaf. Ça veut dire ancêtres, ou les anciens, ou ceux qu'on fait. Et à la fin, c'est le ya. Ce ya là, c'est quoi? Ce qu'on appelle ya ou nisba en arabe. Le ya d'appartenance. Pour une chose qui vous parle plus, quelqu'un qui habiterait ou qui habite en Algérie, on l'appellerait comment? Jazairi. Jazair, la première partie. I, à la fin, c'est pour dire qu'il est algérien. S'il est au Sénégal, on dirait Sénégali. Et s'il est français, on va dire Faransi. Voilà, et ainsi de suite. Donc quand on se dit Salafi, les gens s'imaginent, c'est quoi cette nouvelle secte, c'est quoi ce nouveau groupe, ces gens qui veulent se mettre à part. Tout simplement, ça signifie que je prends comme appartenance les plus prédécesseurs. Et c'est une fierté de se donner comme appartenance les plus prédécesseurs. C'est-à-dire que moi, je suis la voix du prophète et de ses compagnons. Je veux appartenir à leur voix. C'est ça la signification de salafi. Fin de parenthèse. Et Cheikh Islam, rahimahullah ta'ala, le disait justement, qu'il n'y a aucun mal de montrer son appartenance aux compagnons et aux salaf. Et un salafi suit donc les compagnons, le prophète et ses compagnons dans leur fondement. Et celui qui les contredit dans un fondement, ou plusieurs fondements, n'est plus salafi, n'est plus considéré comme salafi. C'est pour ça que les soufis, les asha'ira, les sectes, les anciennes sectes, ou les contemporaines comme l'ikhwan, les tablir, les takfiri, ainsi de suite, ne sont pas des salafis. Et là, juste une parenthèse aussi, on entend de plus en plus de nos jours les accusations Hein, un groupe salafiste, on les a attrapés dans tel endroit avec des armes. En Algérie, en Syrie, je ne sais pas où. Et toujours, ils mettent en avant les salafistes ou les salafis. Il ne suffit pas de s'appeler salafi pour le devenir. Ça ne veut pas dire que si on se dit salafi, c'est qu'on l'est automatiquement. Qu'est-ce qui fait de nous qu'on est salafi ou pas? C'est la voie qu'on suit. Si la voie qu'on suit est celle du prophète et de ses compagnons, on est salafi. Et sinon, on ne peut pas se considérer comme salafi. Donc, ceux qui contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans un fondement ou dans plusieurs fondements ne sont pas des salafis. L'Ikhwan, exemple, contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, par exemple, dans ce qu'ils inventent comme ce qu'on appelle les manifestations de nos jours. Et regardez la différence entre, comme il explique Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, entre les salafis et les autres par rapport à ce genre d'événements. Ce qu'on appelle en arabe, dans l'islam, al-nawazil. C'est quoi al-nawazil? Ça veut dire un événement important. Un événement important où les ulama vont prendre une position, vont donner un avis, une fatwa. Et ça, c'est pas n'importe qui le fait. Comme ce qui se passe dans le monde musulman de nos jours. Les salafis du Cheikh Hafidhahullah par rapport, exemple, aux manifestations sont de deux catégories, sont de deux sortes. On a la première partie, ceux qui ne savent pas. Et la deuxième partie, c'est ceux qui savent, c'est-à-dire les gens de science. Les salafis qui ne savent pas, qu'est-ce qu'ils font dans des événements comme ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent aux gens de science, ils leur demandent, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il est permis de le faire ou pas? Comme disait Soufiane, rahimahullah, base-toi sur le hadith et prends des gens de science la compréhension du hadith. Allahu Akbar. Très important. Base-toi sur le hadith et aussi base-toi sur le savant pour la compréhension du hadith. Car des fois, on prend un hadith, on croit comprendre alors qu'on est à côté de la plaque. C'est, ça n'a rien à voir ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on amène avec notre propre compréhension. Et cette compréhension est tout à fait fausse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revenu aux gens de science. Et qui sont les gens de science? Ça aussi. N'importe qui est savant. Des fois, quand tu entends certains, il y a des savants de partout. Des fois, tu entends certains frères. Mashallah, j'étais dans la mosquée de Catal quartier à Marseille. Il y avait un grand savant, Mashallah, il faisait un dars. Et même, il y avait plusieurs. Plusieurs savants à Marseille, on n'est pas au courant. Pour les gens, il y a certaines personnes, il suffit de parler l'arabe correctement, ou pour lui c'est correct, hein, des fois, il croit qu'il parle correctement l'arabe, il est en train de fracasser l'arabe, hein, il croit qu'il parle bien l'arabe, et mashallah, qu'est-ce qu'il parle bien. Ou il suffit qu'il a un imam, hein, une longue barbe, mashallah, ramis blanc, et en plus, s'il peut venir en même temps d'Arabie Saoudite ou d'un pays musulman, alors là, c'est bon. Il a toutes les qualités pour être un alim. Alors que c'est un djihad, peut-être qu'il ne sait même pas une seule base de l'islam. Donc, c'est quoi l'alim? Les ulama de sunna, ceux qui apprennent aux gens leur religion, qui apprennent aux gens leur croyance. Pas le qossas. Vous savez, c'est qui le qossas? Ceux qui racontent les histoires. Et Shaitan, justement parmi ses ruses, pour éloigner les gens de la vérité, il leur amène justement ces gens-là. Al-Qossas, les histoires. Des choses inventées. Je l'ai déjà dit, la dernière fois dans la traduction, je répète, un exemple très connu qui parle à beaucoup de monde, l'histoire des gouris dans la forêt qui faisait Khuruj. Fisabilillah. Ou celui qui a mis de l'eau dans la voiture et que la voiture a démarré parce qu'il est sorti Fisabilillah. Ou autre. Qossas. Et les gens. Donc on disait que Shaitan, parmi ses ruses, pour éloigner les gens de la vérité, c'est que. Il leur amène ce qu'on appelle Al-Qossas, ce qui raconte les histoires. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'histoire des gorilles dans les forêts, ou la voiture faire démarrer avec de l'eau ou autre. Et as-salaf, vous savez quel était leur comportement vis-à-vis de ces gens-là, les Qussas? Ils étaient sévères et durs avec eux. Il est considéré comme innovateur, il les faisait sortir de mosquée. Donc, les gens de science sont connus aussi. Ils sont connus par leur nom. Les chers ici faisaient allusion à une nouvelle mode de certains chers sur Internet, entre parenthèses, hein, quand je dis chers, des gens inconnus. Et ça, on le voit de plus en plus maintenant dans ce qu'on appelle les forums. Abu Fulan, et qui propage des informations, qui propage la religion. Qui est cette personne? Allahu A'lam. C'est Abu Fulan. Et le ulama, quand il parle, ils sont connus. Fulan, Ibn Fulan. Il habite dans tel endroit. Sheikh Abdel Aziz Ibn Baz. Mohamed Nasser Din Albani. Mohamed Ibn Salah Al-Uthaymin. C'est pas un inconnu. Fulan, 95. Et voilà. Et il appelle à la religion, qui il est, d'où il vient, d'où il sort, on ne sait pas. Mais c'est Marseille 13, ou Abu Salah 78, ou je ne sais pas quoi. Tu es qui? Les ulama, ils sont connus, ils ne se cachent pas derrière des pseudos. Et Cheikh Hafidhallah Ta'ala a cité justement une histoire qui nous montre justement comment on apprend la religion et de quelle manière on apprend la religion et on corrige les erreurs. Darimi, dans ses Sunan, rapporte, d'après Abi Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, c'est une histoire très connue, mais justement c'est une histoire qui comporte pas mal d'enseignements, de leçons. Un jour, Abu Musa al-Ash'ari rentre dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre, il trouve des gens, ils ont fait des cercles, et au milieu de chaque cercle, il y avait un tas de cailloux, et un avec eux qui leur disait, dites 100 fois subhanallah, dites 100 fois alhamdulillah, dites 100 fois la ilaha illallah, dites 100 fois Allahu Akbar, comme font justement certains soufis de notre époque. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Musa al-Ash'ari? On s'imagine la scène. Abu Musa al-Ash'ari, il rentre à la mosquée, il voit ça. Première chose, il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Car il voulait avoir plus de renseignements. Il ne voulait pas se précipiter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait revenir à quelqu'un qui est plus savant, qui considère que lui, qui est plus savant. Donc il revient à un homme de science. Qui était cet homme de science? Abdullah ibn Mas'ud. Abu Musa al-Ash'ari, rahimahullah, donc, il ne voulait pas se précipiter à dire quoi que ce soit, il voulait revenir à un homme de science que, dans la personne d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il n'a pas jugé de lui-même. Ça, c'est une hikma aussi. L'imam Ahmed, rahimahullah, est parti un jour voir un homme qui était, on va dire, inférieur à lui dans le niveau science. Un homme qui avait des hadiths dans le Musnad d'Abu Uwana. Et d'un coup, il voit l'imam Ahmed, rahimahullah, en face de lui, assis, et en train de l'écouter, rahimahullah. Qui montre la modestie. Et même si il est plus élevé au niveau science, mais il sait qu'il peut apprendre de cette personne quelque chose, et il est parti le voir. Abu Musa al-Ash'ari, rahimahullah, pareil, radiallahu anhu, c'est un homme de science, il a de la science. Mais lui, par modestie, il considérait que Ibn Mas'ud était plus savant que lui. Et donc, il est parti le voir. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est parti le voir? De suite, la porte. Chef! Chef! Des fois, c'est malheureusement notre mauvais comportement. Il s'est assis, il a attendu, gentiment. Donc, des fois, pour ceux qui appellent, bien sûr, il y a une question qui lui passe par la tête. 3h du matin, il prend le téléphone. Cheikh, il dit Swahab. Cheikh, t'as fait dormir, Cheikh, ils sont reposés. Allah alim. Ou là, il arrive au moment du repas, où il a des moments qui ne sont pas des moments pour voir quelqu'un. Cheikh, il dit Swahab. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abou Moussa? Il s'est assis, il a attendu. Et c'est ainsi qu'on doit se comporter avec les gens de science. Et Abou Moussa Ash'ari, rahimahullah, il connaît c'est quoi le bid'a. Il connaît les fondements de la bid'a. Mais dans son cœur, il y avait un doute. Est-ce que ceux qui font, peut-être que. Et ils ont un dalil qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils ne voulaient pas se précipiter. Des fois, non, c'est de suite. Ça, c'est une bid'a et toi, t'es mubtada. Il dit, mon frère, demande d'abord, renseigne-toi. Peut-être ce qu'il fait est une sunna. Maintenant, quand c'est connu, alhamdulillah, mais quand tu ne sais pas, comment tu peux juger une chose que tu ne connais pas toi à la base? Quand il est parti le voir, il a dit à Ibn Mas'ud, il lui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Ibn Mas'ud? Qu'est-ce que tu leur as dit? Écoutez la réponse. Il a dit, j'ai attendu ta réponse. J'ai attendu. Regardez, il n'a pas voulu se précipiter à dire quoi que ce soit tant qu'il n'a pas l'avis d'un homme de science. Et ça, c'est important, Yahouan. Il dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Ce n'est pas tout, n'importe qui répond aux gens de l'innovation. Nous, des fois, quelqu'un qui débute dans la religion, qui l'a commencé à 2 jours, 3 jours, de dire, j'ai fait rond sur tel. Mais t'es qui toi pour faire rond? T'es qui toi pour répondre? Et ces gens-là, ils ne se rendent pas compte que des fois, ils sont à cause du mal. Parce qu'ils répondent avec quoi? Avec ignorance. Et donc, oser des gens, comme lui répond avec ignorance, oser des gens, c'est l'innovateur qui est sur la vérité. Parce que l'autre, il sait parler. Et lui, il ne sait pas parler, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plus de mal que de bien. Il dit, Cheikh Hafidhahullah, et donc, ce qu'ils font certains awam, aujourd'hui, est interdit d'essayer de répondre aux gens d'innovation, de réfuter les ambiguïtés, de débattre avec les innovateurs, alors qu'ils n'ont aucune science, qu'ils débutent. Et ça, on le voit malheureusement certains frères, qu'Allah les guide et nous guide, sur certains. Sur internet, sur Paltalk ou autre, tu le vois, oui, moi je vais faire un débat avec les techfélis. Il ne connaît rien, monsieur. Il a appris juste deux, trois choses, quelques bases, et il dit je vais faire le débat avec eux. Puis quitte pour faire le débat avec eux. Apprends d'abord ta religion. Et il faut savoir que ces gens-là, ils sont dans le tort, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Car ils n'ont pas fait la chose correctement. Même si son but, c'était de donner la victoire à l'islam et soutenir l'islam. Mais la méthode, le fait qu'il a voulu le répandre alors qu'il n'a pas de science, ce qu'il fait est interdit. Et il n'est pas récompensé et il est châtié. Dans tous les cas, il sera châtié parce qu'il n'a pas à le faire. Et Da'wah Salafi sera touché à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il risque d'égarer des gens par son ignorance. Les gens ils vont dire, lui il ne sait pas répondre, l'autre il savait répondre. Donc moi je vais écouter l'autre. Donc, Abou Moussa al-Ash'ari rahimahullah ne les a pas réprimés. Par crainte que ce qu'il faisait était quelque chose de correct et qu'il n'a pas de preuve. Donc il voulait se renseigner d'abord. Et le cheikh ici, hafidahullah, n'attaque pas une chose de dire telle chose est innovation ou pas, sans science. Demande si tu ne sais pas. Car celui qui veut aider la religion d'Allah sans science, ceci ne le fait que l'éloigner d'Allah et de la religion. Et des fois, c'est une des causes, c'est rien, l'ostentation. Parce que des fois, qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir répondre? C'est l'ostentation. C'est de montrer que lui aussi connaît, il sait parler, qu'il est important. Hein? Et donc il va vouloir débattre, discuter, ni réfuter, alors qu'il n'a rien, monsieur. Et donc il va faire plus de mal que de bien. Donc Ibn Mas'ud, rahimahullah, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, dis-leur, comptez vos péchés. À ces gens-là qui font le tasbih, hein, qui se sont mis en cercle et comptaient avec les cailloux, ils faisaient le tasbih avec les cailloux. Il a dit, comptez vos péchés. Et je vous garantis que rien ne manquera de vos bonnes actions. Et Cheikh Hafidhallahu Ta'ala lui a expliqué ici que Ibn Mas'ud, il est parti les voir, justement parce qu'on doit réprimer le mal là où il est, non pas délaisser. Il a cité un exemple, il dit, l'imam Ahmad, rahimahullah, il dit, quand tu vois un homme et une femme qui sont étrangers l'un à l'autre, et qui vont aller dans un endroit sombre pour la fornication ou autre, tu dois, tant que tu as les moyens et la possibilité, de les réprimer. De leur dire, craignez Allah. Et c'est pas bien ce que vous faites. Donc, Ibn Mas'ud, il est parti là où ils sont pour les réprimer et pour les corriger. Et il a expliqué le cheikh ici, car certains, qu'est-ce qu'ils font? La seule chose qu'ils reprochent aux gens, c'est les péchés. Hein, l'alcool, la drogue, la fornication, et ainsi de suite. Ça, ils insistent. Et ils disent aux gens, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais délaissent les innovations. Alors que des fois, les innovations, c'est pire. Pourquoi, Yahwani? Et rappelez-vous de la parole qu'on a citée la dernière fois, de Al-Fadhil ibn Iyad, rahimahullah, où il dit, Al-Fadhil ibn Iyad disait que la bid'a, l'innovation, est préférée à Iblis que la désobéissance. Vous savez pourquoi? Car celui qui fait une bid'a, il l'a fait par conviction, que ça fait partie de la religion. Celui qui fait une mauvaise action, c'est-à-dire celui qui fait la fornication, ou qui boit du vin, ou là, qui fume la cigarette, ou autre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui boit le vin, et qui vous dit, je bois le vin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me récompense par le bien, pour ce que je fais, qu'Allah accepte ce que je fais, hein, il reconnaît que ce qu'il fait est mauvais, qu'Allah me guide. Par contre, l'innovateur, ou celui qui fait l'innovation, vous connaissez un innovateur qui vous dit, je sais, je fais l'innovation, qu'Allah me guide, inshallah, doucement, doucement, je vais arrêter. Ah, il veut te dire, ce que je fais, c'est la religion. Et je demande à Allah qu'il accepte ma religion. C'est pour ça que Salaf disait qu'il est rare qu'un innovateur se repent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible qu'il se repent, mais c'est très rare. Pourquoi? Parce que Shaitan lui embellit cette innovation dans son cœur et il aura du mal à l'enlever, justement. Et Cheikh Hafidhallah Ta'ala a expliqué justement que Al-Bid'a, l'innovation, se propage auprès de qui? Auprès des gens de science? Auprès de l'ulama? Non. Elle se propage auprès des ignorants. Al-Qurra, les lecteurs. C'est qui Al-Qurra? C'est des gens qui lisent, mais qui n'ont pas assez de science. Nous, on a l'homme de science, et on a ceux qui ne le sont pas. Celui qui est Al-Qari, qu'est-ce qu'il fait? Son seul rôle, c'est, il prend un livre, il le lit, il lit ce que les gens de science ont dit, et ça s'arrête là. Ni il fait des questions-réponses, ni il dit, d'après moi, hein, si vous entendez un jour un jeune de France, ou d'ailleurs, qui débute dans la religion, vous dire, d'après mon humble avis, l'avis le plus authentique dans tel cas, c'est ça, fuis-le, éloigne-toi de lui. Tu es qui toi pour que tu aies un avis, ou que l'avis le plus authentique d'après toi? Tu es qui? Toi, la seule chose, nous, la seule chose qu'on peut faire, ou qui nous est permis de faire, c'est de dire, les gens de science ont dit. Et on rapporte leur parole, telle qu'ils l'ont. Et Al-Awam, il dit Cheikh Hafidhallah Ta'ala, qu'est-ce qu'ils font dans les moments de troubles, de fitan? Ils vont pas, dans la religion, ils vont pas voir le menuisier ou le forgeron ou autre. Ils vont voir les gens qui parlent de la religion. Et bien sûr, la fitna de nos jours, c'est quoi? C'est l'échure des paraboles. Ce qui sort sur les chaînes de télévision. Le shirk pourra. Et ce shirk, il a une partie de vérité. Et donc, lui, il se dit, cette personne, je l'écoute dans tout. Tout ce qu'il dit, que ce soit dans le sujet de le licite et l'illicite, et ainsi de suite. Et là, il arrive jusqu'à ce qu'on appelle les manifestations. Qu'est-ce qu'ils disent justement certains ignorants par rapport aux manifestations? On a dit tout à l'heure, les salafis, ils demandent aux gens de science, les nouveaux chiffres, des paraboles ou autres, ils se disent, attends, en Tunisie, ils se sont révoltés, ils ont manifesté, ils ont réussi à renverser le pouvoir. Donc, maintenant on vous dit que c'est permis de partout. C'est comme ça que les choses marchent, c'est comme ça que les choses, on juge les choses, dire que ça marchait par expérience. Comment elles marchent, frère? Comment les choses dans la religion marchent? C'est est-ce qu'elles sont conformes à ce qu'Allah a dit sans prophète ou pas? Pas parce que ça a bien marché dans tel endroit ou ça n'a pas marché dans tel endroit. Ces gens-là, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens prendront des têtes, il y en a des guides ignorants. Ils seront interrogés et répondront sans science. Ils s'égarant et égarant. Et comme ils disent les salafs, quand une fitna arrive, les troubles arrivent, qui reconnaît la fitna? Ce sont les gens de science, uniquement. Et une fois que la fitna est passée, tout le monde connaît cette fitna. Et vous savez ce qui s'est passé en Algérie, dans les années 90, quand le fils, le Front islamique du salut, est arrivé, et devait gagner les élections, qu'il y a eu le coup d'État, et ainsi de suite. Donc certains ont appelé au djihad, d'accord, pour renverser le pouvoir et pour instaurer l'État islamique. Qu'est-ce qu'ils disaient les ulama à l'époque? Cheikh Albani, rahimallah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Abbad et autres, Cheikh Rabi', éloignez-vous, c'est une fitna, éloignez-vous. Et qu'est-ce qu'ils disaient les soi-disant chouïrs d'Algérie à l'époque, comme Ali Belhaj et autres? Qu'est-ce que vous parlez? Vous ne connaissez rien. Vous êtes loin dans vos bureaux et dans vos pays. Vous n'êtes pas avec nous en Algérie. Une fois que 10 ans sont passés, des centaines de milliers de morts, tout le monde m'a dit oui, l'Algérie, ce qui s'est passé est une fitna, c'est de suite. Et c'est facile de dire c'est une fitna une fois que c'est passé. Donc les ulama sont à la fitna avant qu'elle arrive. Et Cheikh, il prend l'exemple sur Mohamed Hassan. Mohamed Hassan, un des chiur justement de télévision. Quand il s'est rebellé contre Hosni Moubarak, président égyptien. Pourtant, il le considère comme musulman. Mais il est sorti manifester, lui, ses épouses. Et il appelle les manifestants, il dit, les esprits purs. Parmi eux, des gens qui ne prient pas, des chrétiens, des alcooliques, de tout. Mais c'est des esprits purs. Ruh tahira. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ils ont manifesté. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, par rapport au gouverneur, celui qui voit de son émir quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente. C'est-à-dire, ton émir prend l'argent des gens. Est-ce que c'est pour autant que c'est permis de se rebeller contre lui? Pas du tout. La seule chose qui permet de renverser un gouverneur, et à condition qu'on ait le pouvoir de le faire et qu'on a les moyens et qu'il n'aura pas plus de dégâts que de bien, c'est quand il est mécréant. Alors quand il est musulman, on doit patienter. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car celui qui s'éloigne de la jama'a du groupe et qui meurt, il mourra une mort de la période de Jahiliya. Et il disait aussi Ibn Mas'ud rahimahullah ta'ala qu'il y aura une époque où les règles du Coran vont être perdues et les textes seront mémorisés. Et ça on le voit, il dit Cheikh Allah, dans certaines écoles coraniques, la seule chose qui les intéresse, c'est que les gens connaissent le Coran par cœur. Mais que signifie le verset, que signifie la sourate, hein, ils ne s'en occupent pas. Donc, revenons à l'histoire initiale. Ibn Mas'ud, rahimallah, il est parti les voir. Radiallahu anhu, il est parti les voir. Il dit, Cheikh, il a entendu cette histoire directement du Cheikh Al-Bani, rahimallah. Le Cheikh Maher, rahimallah, celui qui parlait tout à l'heure, il a écouté directement du Cheikh Al-Bani. Le Cheikh Al-Bani leur a rajouté une faille, il a quelque chose de plus. Que Ibn Mas'ud a mis un lithan, mais quelque chose pour se cacher le visage. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Vous savez, quand on prend une turban ou autre, et qu'on cache le visage avec. Genre, comme un masque. Hein. En arabe, on appelle ça al-yithab. Cheikh Al-Bani ne nous a pas cité la raison. Mais Cheikh l'a dit, yani, la raison c'était que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, voulait, comment dire, les prendre en flagrant délit. Car s'il serait arrivé et qu'il aurait reconnu de loin, peut-être qu'il serait enfui et qu'ils n'auraient pas écouté l'haq. Donc, il s'est couvert pour que les gens ne reconnaissent pas et pour qu'ils puissent leur citer l'haq. Et Cheikh Hafid al-Mata'a a dit, et attention, ne pas prendre ça comme preuve pour ceux qui se cachent derrière des pseudos sur Internet. Regardez, nous on prend la preuve de Mas'ud. Il s'est caché. Sauf que Mas'ud s'est caché avant d'arriver vers lui. Une fois qu'il a parlé, il a parlé à visage couvert. On savait qui parlait. Alors qu'eux parlent derrière un voile, derrière, on ne sait pas qui sont ces gens-là. Al-Muhim. Ibn Mas'ud, rahimahullah, radiallahu anhu, est parti les voir. J'essaie de résumer, parce que le Cheikh a dit pas mal de choses. C'est juste dit tout ce qu'il a dit. Comme je dis, on aura pour jusqu'à le Fajr. Et le frère, je crois qu'il sera obligé de vous offrir le déjeuner. Le même Cheikh, il a, par rapport à ça, il a montré aussi la fierté. Et que le salafi doit être fier. Donc, qu'est-ce qu'il aura dit Ibn Mas'ud ? Radiallahu anhu. Waylakum ya ummata Muhammad. Malheur à vous, ô communauté du prophète Muhammad. Vous perdez assez rapidement. Il dit, il leur a sorti des arguments. Il leur a dit, voici les habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa vaisselle encore intacte. Pour leur dire qu'il n'y a pas longtemps que le prophète est mort. Et vous commencez déjà à inventer dans la religion. Et il leur dit aussi, et les compagnons du prophète sont encore nombreux parmi vous. Puis il leur dit, est-ce que vous êtes guidés plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou vous ouvrez la porte d'égarement? Il dit Cheikh Hafid Allah, et cette introduction, si on l'emploie avec tous les innovateurs, ils n'auront plus d'arguments. Car tout innovateur, c'est quoi? Il a deux solutions. Soit il est mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il fait l'innovation, c'est comme s'il disait, le prophète ne l'a pas fait. Et donc moi, je le fais. Donc moi, je suis mieux que le prophète. Et dans ce cas, il devient quoi? Mécréant. Ou c'est comme s'il disait que le prophète l'a dit, mais les compagnons l'ont caché. Et cette personne ouvre la porte de l'égarement. Ouais, la porte vers l'égarement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit justement? Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent de nos jours. Quand Ibn Mas'ud leur a parlé que leurs actions sont mauvaises. Nous, des fois, quand quelqu'un lui dit, mon frère, ce que tu fais est mauvais, ou ce que tu as dit est pas bon, qu'est-ce qui va te sortir? Ouais, mais arrête, mon frère, j'avais une bonne intention. Moi, je voulais que le bien. La même chose qu'ils ont dit. Il y a Abba Abdurrahman, Manuel El-Okhir. Nous voulons que le bien. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, Ibn Mas'ud? Il leur a dit, du moment que vous avez une bonne intention, donc. Alors. Continuer? Non. Qu'est-ce qu'il aura dit? Kam min muridin al-khayr lan yusiba. Combien de personnes qui cherchent le bien et qui ne vont pas l'atteindre? Donc la bonne intention ne suffit pas. Et le rapporteur de cette histoire dit de ces gens-là, ces mêmes personnes qu'ils étaient en train de compter, de faire cette innovation, vous savez qu'est-ce qu'ils sont devenus plus tard? C'est ceux qui poignardaient les compagnons quand les Khawarij sont sortis. C'est les mêmes personnes. Pourquoi? Car c'est ça, l'égarement commence dans les yeux, dans la tête des gens, dans leur, à leurs yeux, peu, et ça s'aggrave avec le temps. Au final, ils ont poignardé et ils ont tué les compagnons, ils sont sortis avec les Khawarij. Et la personne, même quelle que soit sa force dans la langue arabe, comme Sha'raoui, Sha'raoui, quelqu'un qui est très connu aussi dans le monde musulman, mais c'est un égaré. Il est très très fort en langue arabe, mais c'est pas pour autant qu'il était bon dans la religion. Ces gens-là, Ibn Mas'ud, rahimahullah, dit d'eux, yani ceux qui comptaient il faisait le tasbih avec les cailloux, il disait, vous lisez le Coran et le Coran ne dépasse pas vos gorges. Pour leur dire quoi en fait? Que ces gens-là, malgré qu'ils ont l'arabe et qu'ils lisent l'arabe, mais ça n'aura pas suffi. Vous comprenez ça, Yahwane? C'est-à-dire le fait d'avoir l'arabe, c'est pas ça qui fait que la personne soit sur la bonne voie. Et pour leur dire que même si vous avez l'arabe, le seul moyen de vous sauver de l'égarement, c'est de faire quoi? C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre ses compagnons. Radiallahu anhum. Ibn Mas'ud a eu raison à leur sujet quand il dit, vous faites partie des gens qui lisent le Coran et qui ne dépassent pas leur gorge. C'est les Khawarij, c'est la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait des Khawarij. Effectivement, ce qu'a dit Ibn Mas'ud 2, c'est c'est avéré exact et vrai quelques temps plus tard. Donc, il dit Cheikh Hafidallah Ta'ala, donc la personne doit apprendre d'abord sa religion avant de faire quoi que ce soit, avant de réfuter, avant de répondre aux gens, avant de critiquer tel ou tel, il apprendra tout d'abord sa religion. Et à notre niveau, à nous rapporte ce que disent les gens de science. Ça ne veut pas dire qu'on prenne. On parle. Parce que certains, malheureusement, ne comprennent pas ça. Oui, quoi donc? On ne parle plus des innovateurs. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est ne juge pas de toi-même. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est rapporter ce que les gens de science. Ce que les gens de science ont dit. Les gens de science sont mis en garde contre tel ou tel, toi tu le rapportes. Mais que toi, tu juges de toi-même que tel innovateur, tel est égaré sur des sujets complexes qui ne sont pas si clairs. Ça, ce n'est pas ton rôle et c'est interdit. Et on d'autres comme salaf, donc apprendre la science et la mettre en pratique. Et Shaitan, il sait que si les gens apprennent la religion et qu'ils la mettent en pratique, cette dernière va se propager de partout. Il a dit Cheikh Mahal, hakadahallah, un jour il a rencontré un homme qui vient de Palestine. Entre parenthèses, ce que les gens appellent de nos jours Israël. Il dit, Cheikh, c'est faux de l'appeler Israël. Vous savez pourquoi? Israël, c'est qui Israël? C'est Yaqub alayhi salam. C'était un prophète, un messager. Et bien sûr, le tort de certains musulmans, ils disent, mort à Israël, qu'Allah maudit Israël. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'insulter et de maudire qui? Un prophète. Donc on ne doit pas dire Israël, on dit Daoulat Yahoud. Daoulat Yahoud, le pays des Juifs. On est dans leur partie, la partie qu'eux ils ont. Un d'eux a dit à un salafi, un frère salafi, lui a dit, on n'a ni peur ni du Hamas ni du Hezbollah. Les seuls qui nous font vraiment peur, c'est les salafis. Il dit parce qu'eux, ils apprennent la religion, ils la mettent en pratique. Et c'est par eux que l'islam va se propager de partout. Bien, donc, et nous, qu'est-ce qu'on dit dans nos prières, chaque prière? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as combiné de tes bienfaits. Ghayr al-maghdubi alayhim. Pas de ceux qui ont couru ta colère, ni les égarés. Qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Ce sont les Yahoud. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la vérité mais qui ne l'ont pas pratiqué. Vous connaissez l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mort d'un enfant juif, il est parti le voir. Et il lui a dit, il a appelé à l'islam. Et son père le voyait à ce moment-là, qu'il allait mourir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ati' Abu al-Qasim. Obéis Abu al-Qasim, obéis au prophète. Il savait que le prophète était sur le haq. Il voulait que son fils soit sauvé avant sa mort. Donc les religieux savent la vérité. Et donc les musulmans qui savent la vérité, qui ne la pratiquent pas, ils prennent exemple sur Al-Yahoud. Et les musulmans qui pratiquent sans science, prennent exemple sur Al-Nasara. Et il dit, Cheikh Hafidhahu Ta'ala, et mon frère, attention aux patients. Il faut savoir qu'il y a deux mots qui sont dangereux pour notre da'wah. Les patients et l'ignorance. Al-Hawa, la passion va t'empêcher de suivre le haqq. Et l'ignorance va aussi t'empêcher d'apprendre le haqq. Comme disent les gens de science, si les ignorants se taisent, il y aurait moins de divergences. Et c'est vrai. Si les gens, moins d'ignorants parlent, et moins il y aura de divergences, de discordes. Donc c'est là où Cheikh s'est arrêté. Il s'est arrêté son discours. Et Cheikh il a rajouté juste quelques conseils et recommandations à la fin. Il disait que la da'wah salafia est une da'wah générale. Il y en a certains sont convaincus dans leur tête que la da'wah salafia, quand ils entendent salafi, ça s'arrête juste à critique. Jarh. Le jarh fait partie. Attention, le jarh fait partie de la religion. Mais c'est pas que ça dans la religion. La religion, il y a une salafi, c'est l'islam. Donc c'est une da'wah globale, ça englobe tout. Et Cheikh, il a rappelé le bon comportement. L'importance du bon comportement. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez pas des véritables croyants tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Donc, celui qui a connu le haqq et qui aime le haqq, il doit l'aimer aussi pour son frère. Et la sœur qui connaît le haqq doit l'aimer aussi pour sa sœur musulmane. Et Ash-Shaytan justement veut baisser, anéantir notre da'wah. Ou la diminuer. Par les disputes et les discordes entre nous. Et les gens malheureusement, certains de nos frères ils oublient, certains de nos sœurs oublient, que parmi les bonnes actions, et parmi les très bonnes actions, des actions très importantes, c'est le bon comportement. Vous savez que par le bon comportement, la personne peut atteindre le degré de celui qui jeûne et qui prie la nuit, juste par ton bon comportement. Et il dit, Cheikh Hafidhahu Ta'ala, la personne est entre deux, il y a deux sortes de personnes. Quelqu'un qui a le bon comportement, alhamdulillah, il le met en pratique. Et celui qui est un peu, on va dire, sec, un peu rude, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'efforcer et s'habituer à avoir le bon comportement. Comme il dit, Cheikh Hafidhahu Ta'ala, le sourire que tu fais à ton frère est une sadaqa, une aumône. Très simple. Tu veux gagner le hasanat? Un petit sourire. Mais tu as gagné des hasanat. Et ça, rappelez-vous, on l'a cité la dernière fois que le cheikh est venu, et on le répète encore une fois. Il y a certains frères, hadanallahu ayyahum, qu'Allah le guide. Il nous guide, quand tu le vois, tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Souris. Ça va te faire quoi, le sourire? Tu vas tomber malade? Ça va te tuer? Tu vas gagner le hasanat. Et en plus, tu vas permettre aux gens de venir vers toi. Imagine, Erwan, quelqu'un qui ne sourit jamais. Toujours, regarde les gens de travers, toujours le visage crispé. La personne n'a même pas envie d'aller le voir ou de lui parler. Et donc, il peut empêcher les gens de connaître le haqq à cause de ça, malheureusement. Il dit, Cheikh Hafidhahu Allah. Et c'est pas qu'avec les musulmans, mais avec les non-musulmans. Même avec les juifs, même avec les chrétiens, même avec les non-musulmans, nous devons avoir un bon comportement. Car avec notre bon comportement, on les fait rentrer dans l'islam. Nous, qu'est-ce qu'on fait des fois? Des fois, quand certains frères ils viennent devant la mosquée, ils gardent leur voiture devant une entrée. Puis mon frère, imagine que la personne a une urgence, il doit partir. Comme 5 heures, moi je fais ma prière, c'est plus important. Mais tu penses que avec ta manière, tu vas faire un da'wah? Imagine que cette personne, un enfant ou une femme qui va accoucher ou quelqu'un qui est très malade et qui doit aller en urgence à l'hôpital. Et par ta cause, il n'a pas pu partir à temps. Tu l'as appelé à l'islam? Par la bonne manière? Abandonne. Donc, et un des pires des tyrans sur terre, Pharaon. Qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla à Moussa? Qoula lahu qawla layyina. Dites-lui des paroles douces. Pharaon. Pharaon qui a dit aux gens: je suis votre Seigneur. Un Rabbukum A'la. Alors que dire des autres? Le bon comportement est ikhwan. Et il dit, Cheikh Hafidh Allah Ta'ala, il ne vous occupe pas des gens d'innovation. Vous apprenez votre religion. Et nous, on apprend notre religion. Et on ne s'occupe pas des autres. Et ensuite, les ulama. Les ulama, ils nous disent, mettez en garde contre tel, on met en garde contre tel. Ça s'arrête là. Et on passe, et on continue à apprendre notre religion. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez pas des croyants tant que vous ne serez pas des véritables croyants tant que vous aimez pas. Puis le prophète nous a informé, voulez-vous que je vous informe d'une chose? Si vous la faites, vous allez vous aimer. Vous savez c'est quoi? Le fait de se passer le salam. Ça, c'est une cause qui fait qu'on va s'aimer, et le fait qu'on va s'aimer, on va être des véritables croyants. Et il dit Cheikh Hafidh Allah. Tout à l'heure, il a dit, je pose la question aux arabophones, et après il a dit, et vous poserez la question aux francophones. Donc je vous pose la question, tel qu'il a posé Cheikh tout à l'heure au frère. Quelqu'un qui déteste son frère, qui a de la rancœur, de la haine pour lui, il fait un petit péché ou un grand péché? Un grand péché. On ne doit pas avoir de la rancœur. Je parle bien des gens de la même voie, qui sont sur la sunna, qui sont sur le haqq. On ne doit pas avoir la haine entre nous. On ne doit pas avoir de haine les uns sur les autres. On doit s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et de se corriger quand l'un d'entre nous se trompe. Il dit Cheikh Hafidh Allah ta'ala et souris à ton frère. Puis il dit Cheikh Hafidh Allah ta'ala comme conseil aussi aux frères et aux sœurs, vous avez une mosquée, la mosquée du boulevard national, où Alhamdoulilah, Cheikh Abdelhad est connu. Et il appelle à la sunna. On doit l'aider et le soutenir, et être avec lui, et être avec les frères. Et Alhamdoulilah, ça fait plaisir de voir quand il y a des Cheikh Salafi qui viennent, comme Cheikh Maher al-Bahfan et d'autres, que la mosquée se remplit. On aimerait bien, Inch'Allah, de vous voir, même en dehors de la venue des Chouyoukhs. Cheikh Abdel Hadi a un cours tous les dimanches, avec une traduction, pour ceux qui disent, ouais, mais nous on ne comprend pas l'arabe. Il y a une traduction, comme ce soir. Et vous inquiétez pas, c'est pas si tard la traduction. Le frère Nassim aussi, qui fait des rappels. Nous déjà, on est dans un pays non musulman. C'est-à-dire, on est faible, on est peu. Et si, avec ça encore, entre nous on se dispute et on se divise, comment on va s'en sortir après, au final? Donc, il faut s'entraider, ikhwani, et essayer d'avoir le meilleur comportement, chacun envers son frère. Et quand son frère se trompe, ou sa sœur se trompe, qu'on le corrige par la bonne manière. Et n'oublie pas le sourire. Le sourire est une sadaqa. Fais un sourire au frère, et t'as fait une hasana. Plus tu souris, plus tu as des hasanat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayra. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.